grattait un animal mort. J'ai piétiné ma dernière scène. Les cercles de bière ont séché sur les amplis débranchés. Il restera quelques notes, deux, trois photos d'anciens potes. Formant liquide, tout est toujours beaucoup trop court. Beaucoup trop court. Sans toi, ta grouillante devient le saoul.